Ouais, il me semble que t'as changé, toi, Montréal. Ben, depuis que je suis en train de cuire à 350 dans un four crématoire, là, effectivement, je change légèrement de couleur. Ah ouais, t'es rouge, hein? Et tu suintes, toi? Je suinte comme la Vierge Marie. Ben, je me rends jusqu'au bout. Peut-on analyser? Oh non, je sais pas si en arrière vous entendez le bruit du ventilo, mais je crois que je vais augmenter la. Augmente la dose, mon poteau. Augmente la dose. Hey, trois. Hey, qu'est-ce que. Hey, ça fait un beau bruit de fond. Vous êtes. Non, c'est pas un. Je tiens à dire à nos auditrices et surtout à nos auditrices que ce n'est pas un vibrateur, mademoiselle. Non. Ça porte à confusion, ah oui, ça confluse. Non, c'est on appelle ça dans le milieu radiophonique, là, vous connaissez pas le lexique même là de l'industrie radiophonique parce que vous n'êtes que des auditeurs, là, des gens pliés devant votre radio à dire « Voyons, on l'entend pas, hein? Veux-tu syntoniser 89.1? C'est comme si, oui. C'est pas compliqué, t'as juste une radio. » T'as une rondelle, la rondelle, ça, on appelle ça un syntonisateur. Oui, monsieur. Je pense que le monsieur est fâché. Oui, je suis très fâché. Puis là, en plus, tu places ton disque dur 2 tétra juste en haut, ça peut tomber puis casser en deux. Mais ça, les gens le savent pas, mais là, ils vont le savoir. Tu parles d'un instant, tu mets ça de même, les enfants vont jouer après ça. Ben oui, mais t'as pas d'enfant. Ben j'ai une colocataire de 19 ans, c'est fou comme une petite fille de 15 ans. T'allais dire de 20 ans, ben oui. 19-20, c'est pas loin, hein? Mais elle peut s'accrocher les cheveux là-dedans comme rien, là. Ben voyons donc, s'accrocher les cheveux, ben oui! Ça voit pas clair à cet âge-là, hein? Ça a les cheveux par en avant, là. C'est comme les groupes de chanteurs et mépalus. Non, c'est Nénanu. Nénanu? Ninanu? Nénou? Nénou? Nénou, c'est pas Nénanu, c'est des métalleux, M. Les cheveux en avant, le tout gros. Plus c'est gras, plus c'est métalleux, là. Plus ça joue dans le... Avec la... Avez-vous remarqué que les métalleux, ça joue davantage des cheveux que de la guitare? Plus les cheveux avancent, moins la guitare suit. C'est vraiment merveilleux. C'est comme un ventilateur qui fonctionne en position 5, mais sur lequel le doigt resterait accroché. Ça coupe le sifflet et le doigt. Alors donc, je vais prendre ma page, hein. Oui, c'est quoi mon introduction, là? Il y en avait une, hein? Ah oui, c'est ici, les théâtres, non, c'est... on l'a perdu. C'est nos amis Facebook. Ben voyons donc, tu parles d'un... C'est pas grave, on va respirer par le nez, là. Ça pue. Bon, ça fait du bien. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. À quoi bon faire... C'est-à-dire Rénal Gagné, là. Vous cherchiez... Ah, moi, je ne cherchais que ça. Ben oui, mais c'est ça, c'est Rénal Gagné. Oh! Oui, monsieur. Oui, madame. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Mais merci de l'avoir mis en mode turbo, hein? Je sens le vent. Le vent. Oui, monsieur. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne, c'est comme une brise au milieu de l'été, lorsque les wawarons ne cessent de roter. Brabant. Brabant. C'est comme le vent d'un rôt de wawarons. Brabant. Brabant. Mais oui, mais c'est des grenouilles, ça, c'est pas des wawarons. Hey, ben si tu fais la différence entre un wawaron et une grenouille, oui. Un wawaron, là, ça a quatre pattes. Une grenouille aussi, oui, mais attends un peu, ça a quatre pattes, là. Puis c'est assis sur ses pattes de derrière, sur la bouche ouverte, en direction du ciel. Et là, ça tente d'émaner un... C'est comme s'ils avaient mal digéré... Leur 4 heures, là. Brabut, brabut. Ça, et la grenouille, c'est très simple. Elle a toujours 4 pattes. Mais elle est comme jonchée sur ses 4 pattes. Jonchée comme un chat. Avec la bedaine en l'air. C'est pas la bedaine, c'est le dos. Ben oui, ben la bedaine du bas, mais vers le haut. La bedaine du bas vers le haut, on appelle ça le dos. Ben le dos, là, tu connais-tu ça, les chats? Moi aussi, les grenouilles et les wawa, non? Alors donc, la grenouille, là, elle a les 4 pattes. les quatre pattes bien, bien ancrées sur le nénuphar. Oh mon Dieu, ça c'était épeurant. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous du nénuphar? Il y a de l'eau. Un peu, rapidement, hein, se noyer. Une grenouille se noyait. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Rita, t'as-tu vu ça dans les nouvelles récemment, là, qu'une grenouille, c'était... comment t'appelles ça, toi? Mais moi, je n'aimerais ça noyer. Le verbe noyer premier groupe. Noyer premier groupe, est-ce que ça se peut? Mais selon le lexique des temps modernes... Oh, comme Charlie Chaplin, comme lui, là, ouais, vous me dites que... Noyer, oui, c'est premier groupe. Alors, donc, noyer, ben, noyer, On a dit avant le début de l'émission, oh, sont là. Ah, du noir sur du noir, c'est beau ça. Alors donc, la grenouille. Elle a la bedaine du bas vers le haut. L'autre appelle ça, moi j'appelle ça le dos. Ré, ça va bien, oui. Ré, rayon de soleil doux. Si c'est la moitié d'un trou. C'est un beigne. Fa, c'est facile à chanter, le beigne. Assieds-toi sur ton beigne. Là, je dois m'y retarder, do, ré, mi, fa, sa. Do. Do, on n'est pas en onde, là. Ben, voyons donc, mon Gertrude, ma Gertrude, hein, mon dos. Do. Do, il va recommencer. Do, et là, ben, do. Ré, Rénal, bonjour. Ré, ça va bien? Ça va très bien. Moi, hier au soir, là, j'avais dit à Mme Thibodeau, Mme Thibodeau, avant de faire l'émission Errance Rénaldienne, tentez donc de terminer votre sauce à spaghetti, comme ça, on va pouvoir le goûter une fois en 7 ans. Il y a tourne, ça finit plus. Ré, ça va bien? Ouais, ça va très bien, moi. Rénal gagné. Ancien la grenouille. La grenouille, c'est très simple. Elle a le dos par en haut, la bedaine par en bas. Elle a les quatre pattes juchées. Qui juchées? Que c'est haché, c'est pas c'est haché qui est en haut de l'arbre. C'est pas la grenouille. Ben non. La grenouille était en bas sur le wawadon. Et puis elle était sur une pitoune en boiron. Wawadon, boiron, nénuphar. Un bedaine, grosse bedaine, petite bedaine, gros dos, petit dos, petit bedo. Oui, petit bedo, bedo, le bedo, oui. Cher frère, oh, vous avez pêché. Ben là, pas la grenouille, hein, parce que, ben, si elle se noie, oui, mais je ne la pêcherai pas sinon, hein, parce que moi, faire fumer des grenouilles, là, vous avez pêché, ben, je pêcherai après l'émission, vous pêcherez, je pêcherai la grenouille. Oh, et que dira-t-elle? Ribbit, ribbit. Mais là, c'est pas le meilleur. On veut dire la différence entre toi, le bedaine. On veut dire le wawaron puis la grenouille. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'exprimer dans cette émission ridicule? C'est très... wawaron. Ben non, on l'a dit, le wawaron. Mais on était rendu à grenouille. Alors, hey, vas-tu lâcher la grenouille puis le wawaron puis commence ton émission? Non! Sans expliquer aux gens qu'ils ne savent pas, parce que ça n'a pas tout... La majorité, c'est urbain, ça, là. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un oiseau. Une mouche noire. Une abeille. Puis un écureuil. Mais là, c'est pas l'écureuil, c'est la grenouille. Alors donc, elle est nénuphar. Elle est toujours sur le nénuphar. Elle lâche pas le nénuphar. Ah, c'est ça. Puis là, elle a les grands yeux tout ouverts, là, un peu comme mon grain. un peu comme les frères Monamorph. C'est comme la grosse mouffe. Elle a les yeux tellement, ça pue la grosse mouffe, hein. Elle a les yeux ouverts, là. Et la grenouille, tellement ouverts, là, que les orbites veulent glisser du blanc de l'œil. Ah oui, mais elle glisse pas, c'est comme si. Hein, puis là, tu sais qu'il y a un mucus en dessous du blanc de l'œil. Non, mais le mucus fait retenir, toute l'auréole de l'œil. Ah. On peut se couper ce moment. L'auréole de l'œil. Ben oui! Oui, puis là, là, elle est sur le Wawa, non, pas sur le Wawa, non, ça, c'est ça. Ça, c'est le film, avez-vous ça, le film porno, le Wawa et la grenouille, ça? Le Wawa, hein, on la compte-tu? On peut pas, quand. Faut dire ce que c'est qu'une gun. Elle a les nénuphars. Là, on est habillé, non, j'ai pas dit nu, j'ai dit nénuphars, c'est une grosse touffe pas très beau. En fait, c'est presque rond. Et puis, ça va sur l'eau. C'est une feuille ronde sur l'eau. Puis, elle flotte. Puis, elle regarde ce qui se passe en dessous puis au-dessus, parce qu'elle a comme deux dimensions. Elle a en dessous puis au-dessus de là. Elle voit le soleil, mais elle voit aussi les algues marines. Puis, elle voit pas de marin, mais elle voit des algues. Il y a des algues. C'est plein d'algues. Puis là, il y a la grenouille qui est là-dessus. Elle jonche. Hein, les quatre pattes avec la bedaine à l'air, puis le bedon en bas, puis le dos en l'air. Un peu comme le chat, là. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? On va le dire. On va l'entendre, le son de la... Oui. Le son de la grenouille, c'est... Êtes-vous prêt, madame? Ben non, est-ce qu'on peut capter le son? Attendez. 1, 2, capte. Voyons, micro, 1, 2. On n'est pas branché. Ben oui, on est branché, regarde-moi ça. Ben oui, regarde, c'est... Ah, ben les gens ont mal à l'oreille. 1, 2, 1, 2. Ben arrête-moi ça, tu vas briser le micro, oui. 1, 2, grenouille, allô la grenouille. Ben, elle répondra pas, c'est toi. Ah, je dois imiter la grenouille, oui. Attention. Pipit. Ben, monsieur est malade, ben oui, mais elle a une petite grippe, hein. Pipit. Ah, c'est une petite grippe. Ben là, la grosse grenouille, la perverse, là. Rabbit. Rabbit. Ah, voilà la petite grenouille qui fait pipit, pipit. Rabbit, rabbit. Tu vois le mâle puis la femelle, là, hein, la grenouille masculine. Rabbit, rabbit. Puis la petite grenouille, pipit, pipit. Puis là, l'autre, la grenouille mâle, elle voit bien que l'autre est faible. Là, bipit, bipit, puis elle change de bipit, bipit, bipit, un peu, hein. C'est comme un crooner, là. Le gars qui chante Strangin' in the Night, c'est toujours plus convaincant que là. Strangin' in the Night. Hein, voyez-vous qu'on va aller plus vers le gars qui Strangin' in the Night. Même s'il connaît pas l'anglais, c'est plus convaincant, hein? Que on va changer sa couche. On dirait qu'il est en train de faire son petit 4 heures, lui, là, dans sa petite. Alors donc, la grenouille et le wawa, non? Puis ça, pour les gens qui s'imaginent là, que c'est sorti de mon imaginaire, il en est rien. Sortez cet été. Sortez de chez vous, là, puis marchez vers un lac. Un beau gros lac, là, avec plein de nénuphars. Là, vous allez remarquer qu'il y a de la grenouille. Ribbit, ribbit. Et le wawaron. Ribbit, ribbit. Ça, c'est le wawaron. Ribbit, sens-tu, là, c'est comme un chimpanzé, là, puis un ouistiti-lion. Le ouistiti-lion, c'est un petit singe là, avec du poil autour de la caboche, un peu comme moi. Là, regarde, ici, là, c'est des tifs, hein, parce que je vais aller en Europe avec des tifs. Quand j'ai rencontré Tony Truant, je dis c'est moi le mec. Lui, il va dire puis les filles vont me tirer des tifs. Ça vient. C'est un attrape-patrice. Et chanteuse aussi. Et pour les mecs, c'est il les a les tifs, le mec, là. Il est rock'n'roll. Oui, je suis rock'n'roll. Et on serait une alien, c'est très rock'n'roll. Bribit, bribit. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain,

Il est 20:00, là, puis dans le ciel, je vois une lueur. C'est une grenouille. Ben oui, non, c'est un wawadon. OK. Quelle est la différence? C'est blip-bip. OK. L'absurde aventure, ah, lance-moi ça. L'absurde aventure, merci. De l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 1er juillet 2011... On t'en fait une tête. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Ben, pour le moment, non. Ta bobo, t'es tombé. Allô? Ben, je sais pas si je me sens bien, là, mais j'ai rien entendu de ce que vous m'avez dit. Premièrement, qui êtes-vous et que faites-vous? Ah, ben dis donc, t'en fais une tête. Oui, c'est mes Qu'est-ce cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Pas encore. Ta bobo, t'es tombé. Et je viens avec, j'ai des bobos. J'ai un petit bobo aux cheveux gauches. Mais je tiens à souligner à toutes mes fans que ça va quand même assez bien. Il se remet tranquillement ce cheveu d'un coup de doigt que je lui ai porté tout à l'heure en étant frénétiquement nerveux avant d'ouvrir le micro et je m'en excuse infiniment. Je croyais que personne ne l'avait vu, mais M. Moluche, ça m'a l'air que Moluche l'a vu, mais oui. Aujourd'hui. Merci. Mais là, ça se voit encore. Ici, là, t'es malade. Un peu au niveau de la. Un bobo. Un petit bobo à derrière du cheveu, c'est la racine. Et puis là, ben là, la racine a dit à la neurone, ça fait mal. Et là, en disant ça fait mal, ben moi j'ai fait ouch! Parce qu'en fait, c'est le cerveau qui m'a dit ça fait mal. Moi, sinon, je sentais rien, moi, là. Hey, voyons donc, un mal de cheveux. Qui a mal aux cheveux? Lucien Graisbon, oh, il a mal aux cheveux, il a mal à la perruque tout entière. Oh oui! Voyons, c'est pas juste un, non, c'est tout. Tout la surface capillaire lui fait une souffrance extrêmement incontrôlable. Aujourd'hui, le vendredi 1er juillet 2011, l'errance, et ça, c'est la fête des Englishers, Canadiens, Canados, tout le monde. Et puis, ici au Québec, là, il faut que je vous dise, si vous venez de Trois-Rivières, de ma tante, de Godbout ou de Godassi, Godbout, non, c'est Godbout. Si vous êtes de passage au mois de juillet, là, c'est l'été, hein, voilà l'été, quand c'est l'été, on veut chercher des villes, on fait bien pêcher, mais là, c'est l'été, donc, il y a plusieurs personnes de passage qui s'intonisent dans leur véhicule, le 89.1, et qui tombent là-dessus, là, y est dedans, ça fait mal. Là, premièrement, un choc linguistique. Mais qu'est-ce qu'il dit, le connard? Ben, le connard, c'est Rénal Gagné. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, mais vous nous entendez? J'entends tout. Moi, j'ai l'oreille bio-ionique, une oreille attentive, et lorsque vous, comme les animateurs de radio de nuit, lorsqu'ils ont des lignes ouvertes, et qui peuvent accueillir quelques névrosés. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes à CKRL, la radio qui vous écoute. Ah, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Ah, j'ai un problème. Oui, merci. Bye-bye, à la prochaine. Deuxième appel. Oui, vas-y, ma clairette. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va très bien. Merci, troisième appel. Oui, Rénal Gagné, CKRL, bonjour. Ben, monsieur? Oui. Vous êtes monsieur? Je vais aller voir et je reviens. Quatrième appel, s'il vous plaît. Oui. Allô, monsieur Gagné? Oui. C'est Rénal Gagné? Oui. Ça va bien? Oui. Qu'avez-vous de bon à dire? Rien. Cinquième appel, merci, bonjour, mon ami. Et c'est comme ça ici, hein. C'est des lignes ouvertes où on se confie, là. On veut dire nos vraies choses. Ce qui nous anime, là. Qu'est-ce qui fait de nous quelque chose? C'est comment, d'ailleurs? On n'a pas peur de... Ça va, moi et vous, ça va? Moi, ça va bien. Oui, ouais, ça va. Ah, ouais, pas ça... se plaindre. Ben, moi non plus. Hein. Ben, en fait, me plaindre. Je me plains régulièrement sur les lignes ouvertes. Bonjour, M. Gagné. Bonjour. Arrête-moi ça, les lignes ouvertes. Alors donc, vous êtes de passage ici. Vous écoutez, vous intonisez... vous syntonisez le 89.1. Vous dites, il parle vite, ce mec. Oui, effectivement. Ça, c'est beaucoup de pratique à la maison, donc il faut une certaine articulation. Et vous placez le crayon dans la bouche, mais ça, c'est pas hygiénique, là. et vous dites combien sont ces six ou six sont six, ces six ou six sont six, sont six sous. Gardez la prothèse dentaire, tout ça va mieux, hein. Truite cuite, truite crue, truite cuite, truite crue. Voilà. Qui l'eût cru? Le père Lussugru. Qui lui a répondu? Avec vous, Madame Michel, votre chat n'est pas perdu. Mais, oh, la bave quand t'as fait bouger le crayon, hein? Ben non, c'est l'encre. Ben oui, de l'encre baveuse. Ben voyons, ben oui. Il y a des œufs baveux, puis il y a de l'encre baveuse. Quelque vu, c'est comme ça, la vie. Toi, t'as payé mon petit Joe connaissant. Tu t'imagines de tout savoir sur la planète et tout ce qui t'entoure, mais tu n'es que l'ombre de toi-même. Comme disait Jacques, le grand Jacques, il disait, tu te crois mèche, mais tu n'es que suif. Oh, de la suif, là. De la suif, comme la bougie. Comme la bougie. Pas de celle. Oui, celle-là. Oh. Est-ce qu'on peut la répéter? Oui. Oui, allez-y. Je me crois mèche. Oui, je me crois mèche. Et je ne suis que suif. Et je ne suis que suif. Et voilà, amen. Amen. Amène-en une autre. Ben, il disait, désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Tu peux bêler bergère un jour. Non, tu peux trotter bergère un jour, tu vas. Ben. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Il pleut, bergère. Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas bêler. C'est ça. Alors donc, si vous êtes. Alors donc, arrête de dire ça. Vous êtes de passage à Québec. Vous écoutez Errance Rénaldienne, c'est une émission qui se veut pseudo-humoristique, pseudo-cérébralo-débrancho au niveau de la caloto, de la caloto-mentalo. Et c'est très mentalo, hein. Si vous êtes des gens qui aimez l'eau, hein, vous êtes des navigateurs, des capitaines, des sirènes, voyons donc. Ben oui, dans l'eau! Ben oui, mais ça existe pas. Ça existe pas, des sirènes, gamme-moi l'eau. C'est pas ça à tout le monde? OK, non, mais c'est juste entre nous. Ça existe pas. Ben non, ça existe pas. Alors, si vous êtes des capitaines, des moussaillons, ben bienvenue à Errance Rénaldienne. Et nous voguons comme cela pendant presque 2 heures. Là, nous avons atteint même pas notre vitesse de croisière, mais tranquillement, nous y allons fermement. Alors, aujourd'hui, le vendredi 1er juillet, ça va être des Canadiens. On en connaît-tu des Canadiens? Toutes les malades, les sursautés de la jonquille, c'est des Canadiens. Ah oui, ici, ouais, ça, je voulais vous dire, au Québec, le 1er juillet, on déménage, on change de logement. Et ça se passe une seule fois par année où la majorité vont de maison en maison, un peu comme les fourmis avec leurs meubles. Les fourmis ont des meubles chez toi. Ah, dans ma tête, toutes mes fourmis ont des meubles. Ah, mon Dieu. Un petit sofa, un grand sofa, un frigo, un petit frigo, une toilette, une grande toilette et une chiotte, une petite chiotte. Oh! C'est beaucoup d'équipement pour une fourmi. Ouais, mais ça travaille, ça besogne, la fourmi, là. Elle n'est pas prêteuse, c'est là ce moindre défaut. Que faisait-elle, dit-il, au foie d'animal, l'intérêt principal? Ben, elle mangeait, non, elle dansait puis elle mangeait. Oh oui! Elle résidait de nuit à Limoilou, elle faisait la rue. Ah non, elle dansait. Ben, tu dis qu'elle mangeait. Elle mangeait, j'en suis fort pèse. Alors maintenant, je l'herpèse. Alors, 1er juillet 2011, c'est une version que je connais pas, moi, là. Non, c'est pour adultes. 1er juillet 2011, tout le monde déménage, il fait chaud, là, vous écoutez la radio. Prenez ça arrêtez-vous, relaxez, là. Ouvrez-vous une bonne bouteille d'eau froide, là, puis une bonne bouteille d'eau chaude, là, puis faites des mélanges eau froide, eau chaude. Ça va vous faire bizarre dans l'estomac, là. Vous allez voir des hauts de cœur, vous allez être malade, c'est plaisant. Des expériences uniques, là. Alors, 1er juillet 2011, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Envoyez-nous tout ça au 405 3e Avenue, là, vos beaux petits cadeaux que vous avez fait actuellement. Je vais les faire, là. Errance rénaldienne, mettez une boîte errance rénaldienne dans les. J'aimerais des bocaux, s'il vous plaît, pour que je puisse analyser tout ça. Alors donc, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, imagine la CKRL. Hey, on a reçu plein de bocaux! C'est écrit errance rénaldienne, c'est dégueulasse, ça pue! Ben non, c'est fermé. Mais ça pue quand même! C'est dans votre tête. Ben oui, ben là, j'ai écouté ton émission, on te disait tout le monde d'envoyer. Ben oui. Pourquoi pas? On va vendre ça pendant le Radio-Tour de CKRL là, l'année prochaine. Tout le monde va être heureux. Ah, mais bon, Dieu. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire. Bon, blablabla, vous la connaissez. Nous sommes en compagnie ce soir encore, cette nuit, de Didier Ouvrard qui cumule 30 ans de carrière en rencontrant des artistes, en les produisant, en les amenant sur scène, en les faisant chanter, jouer de l'accordéon, en faisant vivre et revivre la chanson française. Didier Ouvrard est un homme pluriel, pour l'entente musicale. Il connaît la France qui chante et qui danse et est prêt à réactiver tous ses réseaux pour faire entendre la chanson de notre patrimoine. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste imagé entre vous et moi. Un voyage chargé pour cette nuit. Estival qui fait chaud. Mais c'est beau, on aime ça. Mais moi, je suis un nordique, j'aime ça le fouet. Moi, la chaleur, là, je fonds. Comme quand Claudia Schiffer me regarde, je fonds. Nicole Kidman, je fondais. Je ne fonds plus maintenant parce que c'est... On ne sait même plus si elle nous regarde, hein? Elle a toute la chirurgie. Elle est esthète. Ah oui, elle est très esthète. Avant ça, j'aimais bien la esthété. Maintenant, ben, le voyage chargé pour cette nuit automne et hivernale. Non, estivale. Estivale, aide-moi ça avec l'automne, l'hiver, là. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui. Alors, place à la musique et à l'émotion. Pépé, j'ai quelque chose à te dire, Pépé. Toute ma vie, j'ai enveloppé un mystère. Je ne suis que maintenant tributaire de mes mensonges. Pépé, es-tu là, Pépé? On vient d'amener le coup. Pépé, voyons, Pépé, je suis devant toi. Façon de conduire, tu vas me dire. En même temps, il y a plusieurs façons de conduire un accordéon, parce que si tu prends qu'il soit diatonique ou chromatique, que tu joues du musette ou que tu joues du classique, évidemment que tu joues debout ou assis, que tu joues de Astor et Piazzolla ou que tu joues Georges Plana ou mon cul sur la commode, tu joues pas pareil. Est-ce que Ponty vient de sortir un nouvel album? Est-ce que Ponty était un ancien musicien de Jacques Brel, l'accordéoniste de Jacques Brel? C'était Corti. Jean Corti vient de sortir un nouvel album. Oui. Extraordinaire. Il n'y a pas plus branché que Jean Corti. Oui. Les deux accordéonistes célèbres. J'ai entendu sur France Inter. Qui ont accompagné Jacques Brel, c'est Jean Corti et Marcel Azola. Ah oui, Marcel Azoulay, oui, ben à Paris que tu m'as envoyé. Alors, c'est exceptionnel. T'as entendu ça? Ah oui, ben oui, j'allais diffuser mon émission à plusieurs reprises. Tu m'as fait plaisir quand tu m'as demandé ça, je t'entends. Ah, oui, oui, mais... Je vais t'envoyer. Hein. C'est, mais c'était mémorable. Puis je fais un topo de Québec à partir d'ici et la chanson d'ouverture, c'est celle-là. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est la richesse de l'accordéon. C'est... J'ai écrit un truc très joli qui a été composé par un garçon. Oh merde! Jackie Noguez. Ok. Jackie Noguez. Oui. Un musicien qui est décédé il y a 2-3 ans. La génération de connu. Marcel Azoulay. Oui, okay. Très très connu. Jacques grand, très fin. Je vais te l'envoyer. Oui. La version chantée, qui a été chantée dans l'émission. Que j'ai écrit les paroles. Ça s'appelle Paris Ballade. Ah, tu as écrit des chansons? Oui. Ok. Combien? J'en ai 150 de... 150? Oui, c'est vrai. L'assassin, oui. nage sans bruit, que ces mots intérêts, comme la clarté, que c'est beau, que c'est beau. Songe, image et souris, que c'est beau intérêt, comme la clarté, que c'est beau, que c'est beau. Surtout pas allumer. Allume pas ça, allume pas ça, allume pas. Éteins. Devant l'écran, je me sens mieux. J'ai tout le temps ces lumières. Aucune image, jamais de la neige. Ce monde de poche, quel privilège. Passant sur le son, plus aucun bruit. Un ultrason. S'il vous plaît, on enchaîne. Un long silence et tout s'éteint. Une séance, c'est le matin. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme la clarté, que c'est beau, que c'est beau. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme la clarté, que c'est beau, que c'est beau. Une télé. Rappelle-toi là-bas chez les hippies, j'y étais moi aussi, comme ceux de Nanterre et de Campus Michel. Ce qu'il ne faut pas dire en fait, toi tu l'as dit Michel. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, toi tu l'as fait, Michel. Chaque soir à campus, après ce mets-toi avec dans l'œil champ perdu du bout de la terre et du boulevard Saint-Michel, Michel. Rappelle-toi là-bas chez les hippies, nous y étions, nous aussi, comme ceux de Nanterre et de Campus, Michel. Ça va, moi et vous, ça va. Oui, ça va, faut pas se plaindre. Coluche, on a eu un petit coup de barre, là. Michel, c'est Michel? Non, c'est Saint-Michel. Saint-Michel, priez pour lui. Non, c'est Léo. Léo Saint-Michel. Léo qui nous ramène des ouvertures de tendresse. Et nous lui en remercions infiniment l'agitation poétique qui nous éclabousse le cervelet en ce beau 1er juillet 2011 et en cette nuit qui s'entame et la noirceur qui se cache derrière ces étoiles défilant d'amour. Hey, c'est beau! Hey, as-tu pris ça en note, ma Jacqueline? Ben, j'avais pas le crayon, il m'a jamais le temps d'écrire, lui, il part dans ses anarchistes poésies. Ben, c'est comme ça. Si tu sais pas y capter, là, est-ce qu'on peut vérifier avant, c'est? OK. Oh non, tu brûles quoi? Je brûle d'envie. Oh, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Toi, ça va? Ça va, moi et vous, oui? ça va. Ça, oui, oui, ça va, faut pas se plaindre. Non, faut pas se plaindre, il y a des gens mieux que nous. Faut toujours se comparer à mieux, comme ça on évolue davantage, jamais se comparer à pire. Et la majorité, ça va, ah oh ouais, mais il y a des choses pires que ça, hein? Ben oui, il y a des choses mieux que ça aussi! Hey! Reste pas dans ton petit 2,5, toi là, va-t'en dans ton château cérébral! C'est pas chauffé en haut, moi, j'ai pas d'électricité, j'ai pas meublé, j'étais assis dans les toilettes. C'est humide! Il y a un son de placard qui m'amène au désespoir et ça sent la morue jusqu'à dans le fond des cuisses. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est beau, ça. Ça sent la morue et ça sent la morue jusque dans le fond des cuisses. Malpropreté. Ici, pardon. Je pense que ça va pas, moi, là, ça ira pas mieux. Ça va, moi, et vous, ça va? Non, moi, ça va pas, donc... Oui, ça va, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, mais j'ai comme une petite garlotte dans le fond de gargoton. Ah ouais, continue, toi, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Je pleure des yeux, les gens vont nous regarder à télévision, là. C'est pas, tu fais pas de la TV? Non, j'en fais pas encore, mais... À travers les circuits cybernétiques. Oh, pas des vidéos, qui vont accoucher un jour sur mon site. Tranquillement, là, j'atteins le mois de mai ou de juin. J'atteins juin, là. J'ai des amis qui me disent, « Ah, je vais te les envoyer, moi. Je fais affaire avec une bonne compagnie de cybernétique. Ah, ben, merci, priez pour moi, priez pour nous. » Alors donc, là, laissons la place à mon ami Charles Bukowski. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. J'espère qu'on ne prendra pas comme la semaine dernière, là. On va changer, puis le public le saura pas. Ça, c'est discret ici. Vous savez comment ça fonctionne, hein? C'est pas autrement que ça. Vous savez, je sais pas bien. Je sais pas bien parce que je me suis jamais posé la question pour les autres. OK, mais là, on va se poser la question pour nous. C'est-à-dire, choisissons la meilleure feuille qui soit, mais au hasard. Mais faut pas que ça se répète comme la semaine dernière. OK, quand j'étais sonné... Oh, OK, c'est bon. Ça, c'est excellent, puis j'aime ça. J'aime ça, cette phrase-là. Alors, première phrase de Bukowski, c'est « Quand j'ai sonné, il était à sa 7e ou 8e bière et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. » Eh oui, c'est la seule chose qui fonctionne dans ce studio-là. Il n'y a pas de meuble, comme je le disais tantôt. Il n'y a pas de... Y a pas de livre. C'est pas éduqué, ce gars-là. La seule chose qu'il peut lire, lui, c'est ce qui est écrit sur la bière. Ah, les ingrédients de la bière, il va me le dire. Veux-tu le dire, mon frère? Ben, je vais le dire, voilà. Oh, la tête tourne, hein? Pas juste la tête, la terre aussi. Comment ça, t'as même pas de livre pour le savoir? Non, mais c'est dans ma tête. Oh! Y a du blanc. Y a du dédoublant. Il y a du redédoublant. Pour les étudiants, c'est pas très beau, redédoublé. Lâchez le houblon. Dédoublant. Triple blanc. Doublons-nous d'une carapace. Puis là, j'aime pas ça comme ça. Mettez, oui, de la carapace. On dirait que la voix change également. Donc, le houblon, de l'eau, osmose inversée. Et comme ça, ça diminue le sel dans l'eau. Comme ça, moins mal au dos, moins de problèmes rénaux. Et qui? Ben, le problème rénal. Ouais, allô, rénal, ça va bien? Ça va très bien. T'as mal au dos? Non. T'as un problème rénal? Oui. Oh, lequel? Ben, c'est rénal. Rénal, le mal rénal, le rénaldisme. J'ai le rénaldisme qui s'anime en moi, pépé. J'ai le rénaldisme qui ne veut plus se digérer, pépé. C'est beau, c'est beau. Je suis comme un enfant de la balle, pépé. Je la tire au bout de mes bras, pépé. Pour mieux la rattraper, pépé. Tu vois, j'ai trop changé, pépé. J'ai souvent la larme au nez. Donc c'est à l'œil. À l'œil. Donc c'est mis ni. Je me régénère sans ta voix. Pépé. Oui, mais c'était un singe, Pépé. Puis ça voit. Ça, c'est ton singe. Ça, moi, c'est mon singe. Et mon doux. Ça me fait penser à Gertrude la semaine dernière. Hein, Gertrude? Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Hey, ouais, il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Là. Il y a du houblonze. Il y a de la blouse, il y a de la brouse, il y a de la rose, il y a de la noire. Il n'y a pas de noire. Y a-tu de la noire? Oui, il y a de la noire. Toutes les belles filles, là. La noire, la rousse, la blonde. Cheveux raides et frisés, j'ai tout envie de les embrasser, de les déboucher. Non. Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'ils soient toutes blanches, j'ai tout envie de vous déboucher. Mais c'est lorsque Dieu me pardonne, mon cœur n'a pas été porteur, mon cœur n'a pas été porteur, et monsieur. Alors non, c'est ça, il y a de la blonde, ça c'est doux pour la gorge. Il y a la noire, ça c'est dur pour le fouet. Il y a la grise, là on a la roue, la grise, eh monsieur. J'ai la poulette grise qui a pondu dans l'église. Il y a la rousse. La rousse, ça, c'est un goût passablement amer, comme la vie. Amer qu'on voit couler le long du cendrier. Ça coule à côté. Ah, des reflets de roue, la mer. Oui, mais c'est aussi la noire. Ça, c'est, je l'étudie, la noire, mais je ne sais pas. On ne peut pas retourner à la cassette. Oh, mon Dieu, on a déjà la cassette basse, là, puis on ne cherche même pas si... Ça va, moi et vous, non, ça va. Non, ça va. Oui, ça va, faut pas se plaindre. Et on a quelqu'un de coriace ici, là. Cocoluche. Cocoluche, on explique la bière. Ça va, ça boit-tu, ça boit pas, ça boit pas, ça boit pas. On s'en balance, ça va. Hein? On ne veut pas le savoir si ça va. Ce qu'on veut savoir, c'est la différence entre la rousse, la noire, la ride, la bille. On débouche. Plus on fait de la dégustation. Plus on fait de la dégustation, moins on a les papilles alertes. Hein? C'est comme la mâchoire, on dirait que ça relaxe. Un peu comme un avocat. Hein? Nous allons le relaxer, là. Hein? C'est comme la viande. Hein? On la pigeote et ensuite on la relaxe. On la pigeote, on la relaxe. On la pigeote, on la relaxe. On la pigeote, on la relaxe. On la pigeote, on la relaxe. On la pigeote, on la relaxe. La haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, et n'est jamais venu. Zai, zai, zai, zai, chérie. Zai, zai, zai, zai. Il va se rendre où, lui? Il va pas la faire, celle-là. Je vais me rendre. Oh non, il l'a fait à chaque émission. Il va la faire. Oh non, comme j'ai... Un peu plus haut. Hey, en parlant d'un peu plus haut, un peu plus loin, Jean-Pierre Ferland, un chanteur québécois, est revenu sur scène à presque 77 ans pour nous présenter son album jaune dans lequel on entend Le Petit Roi. Charlotte Gainsbourg a repris Le Café des Artistes. Quand les arts et ça les arts. C'est ça, là, Le Café des Artistes. Ah, les arts. Mais là, c'est Jean-Pierre Ferland, c'est Le Petit Roi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi. Puis là, ils nous ont présenté à la télévision le retour de Jean-Pierre Ferland. Puis c'est peut-être juste là qu'il s'est trompé, mais sur cette chanson-là, il l'a bafouillé. C'est quand même gênant. Moi, j'aurais refusé de présenter ça à télé. Là, tu es là, là. Dans mon âme. Ah. Chat. Coupé. Moi, là, comme d'un homme. C'était merveilleux. Les gens applaudissaient. Ils pensaient que c'était de l'émotion. C'est bon, les artistes, hein. C'est... j'en allume. Je tiens à dire que c'est difficile dans l'allumer une, moi qui est un non-fumeur invétéré et qui dit aux jeunes arrêtez, ne jamais tenter cette insignifiance boucaneuse qui va enflammer votre existence. Ça pue, ça mène nulle part, c'est de la chenoute. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Faut-il brûler des cierges? Serge Pascal, on va le faire. Laisse tomber les filles, s'il vous plaît, comme ça, OK? Comme le yéyé. Un, deux, trois, go! Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jeu, c'est toi qui partiras. Faut-il brûler des cierges? Pour que je guérisse du mal de tous les vices. La chaleur de tes cuisses. J'ai prié Marie la Vierge, glissé des couleuvres dans ton jardin, pour la chaleur de tes cuisses, j'ai dit la messe en latin. Celle-là, Fury, tout ça. Et c'est qui écrivait la musique? Alors, bon, ben, des compositeurs de rencontres, d'affinités aussi. Moi, je fais beaucoup des départs. Enfin, beaucoup des départs. J'écris, mes premières chansons, je les ai écrites moi, très minutieusement. Oui, métriquement, je veux dire. En faisant bien attention à mes. Allez, ses œufs. Ah, c'était. Au cordeau. Et après, je donnais à un grand musicien, Maurice Tarkan, grand accordoniste et compositeur, qui a Est-ce que ce sont des amis à toi? Oui, vraiment oui. Okay. Maurice Hartan, j'ai réveillé toute la jeunesse de l'accordéon depuis les années 92 à maintenant. Il a rempli le fossé intergénérationnel à lui seul. Il a comblé 30 ans de retard. Il a fait un travail de fou comme là. Et il est mort dans les épuisements. Mais quel grand Maurice l'archange, immense accordéoniste. Alors, Jacques Inogen, j'écris le plus Paris Ballade. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'avant, je parlais des deux grands accordéonistes qui ont accompagné Brel. Oui, Corti. On parle toujours d'Azola. Oui, Azola. Parce que le grand chauffe Marcel, quand un jour à l'Olympia, tu sais que Brel a eu un trou de mémoire, il s'est tourné vers son accordoniste, il a dit « Chauffe, Marcel !» Ah, c'est ça, Darvezol. En gros, oui. Darvezol. En gros, vas-y, meuble. Oui, vas-y, meuble. Ah oui, meuble, le moment. Chauffe. Ah oui, ok. Et voilà, c'était ça le truc. Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Toujours la même chose. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. On s'en va de Vierzon, on s'en va. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. Ok, on s'en va de Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours, hein. Comme toujours. Mais je te le dis. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens.

chez Gallo. Hey, savez-vous qu'il y a même la tension là, à même la musique. Ça fonctionne plus, ça a mal vieilli, on l'enlève. Stéphane Echer, oui, on enlève Stéphane Echer. On le fait cuire à 350, puis on attend que ça brûle. On n'est pas gêné, on coupe des chansons comme ça. On l'écoute avec vous, là, on est... Moi, comme je le dis souvent, quand je fais une émission de radio, je suis avec vous, je l'écoute. Je suis l'auditeur, je suis le premier spectateur, et après l'avoir fait, je le réécoute, et quand ça vaut pas la peine, je retire, je diffuse pas, ça vaut pas la peine. Donc, je suis la première oreille, et croyez-moi, elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien, car elle pourrait bien nous désentendre. Eh, monsieur, sache que rien ne peut ce soir nous... reprendre. Oh là là. Alors donc, cet atelier d'improvisation, car nous allons en faire un maintenant. Pas encore. Oui. L'infatigable Rénal. Oui. C'est toi. Oui. Il n'y en a pas d'autres, là. Est-ce qu'on peut appeler deuxième Rénal? Oui, c'est... On va faire le numéro de... Oui, on a le numéro. Oui. Juliette. Non, pas François. Juliette, peux-tu appeler le deuxième Rénal? Mais on n'a pas de numéro. On va... Oui, c'est celui-là, là. Oh, 80. Oui, on y va. 80. Brrr. Brrr. Brrr. Ça répond pas. Brrr. Et... Attends, si on peut appeler. Ouais. Allô? Auriez-vous l'air de vous arrêter, vous, M. Gagné? Ben là, c'est... Premièrement, on veut parler... On veut parler... est-ce qu'on peut lui parler maintenant, là? Il y a une confusion. Oui, c'est ça, il y a une... Oui. M. Gagné. Oui, ben là, on va s'arrêter, mais on aimerait bien parler à M. Gagné. OK, je sais, parce que c'est plein. Il faut en enlever une. Bon, hey, c'est bien, ça, du direct comme ça, là. On va appeler Rénal Gagné. On l'a en ligne, là? Oui! OK. M. Gagné! Oui! On dirait un wawaron sur une chaise. Bon, OK, attends un petit peu. On y va, c'est comme ça que ça se passe. Oui! OK, c'est merveilleux. On est en ligne avec Rénal Gagné. Rénal, non, est-ce que c'est Gagné? Non, c'est Rénal. Rénal? Oui! Bon, il y a comme une distance, hein? Est-ce que c'est normal? Oui! OK, tranquille, toi, là. Au pied, fais dodo. Bon. Il fait le... Hey, c'est-tu un dodo, ça? Hey, c'est un dodo réglementaire. On dirait qu'il se fuck. Il fait de l'apnée somnolent. Rénal! Oui! Bon, mon cher Rénal, comment ça va, toi? Oui! Bon, c'est merveilleux. Hey, tu sais que premièrement, non, il faut pas dire premièrement, hein? Oui! OK, c'est un manque de tact. Oui! OK. On en manque de 4. Non, de 4, non, c'est de 12. On manque de 12. Peux-tu nous amener de 2 12? Oui! OK, merci. 2 12 bien vides, hein? Oui! OK, merci beaucoup. 2 12, tu arrives maintenant? Oui! OK, alors on peut t'attendre? Oui! OK, on t'attend. Ben, on attend 2 12. Comment? Et il fait des... Comment? Comment ça continue? Il dit, on... Il va arriver, là. Il est encore au bout du fil. T'es là, toi? T'es-tu encore là? Oui! Tu... Hey! Je t'ai dit, ramène 2 12, je dis, ça sera pas long. Oui! Alors, on t'attend? Oui! OK, combien de temps? Une minute? Oui! Bon, hey, t'es... Non, mais t'es pas loin? Oui! Ah, mais c'est merveilleux. Alors, on t'attend? Oui! OK, on l'attend. Non, mais il a dit une minute. C'est pas un menteur, là. Ouais, non, tous les rénales sont pas des... C'est des joueurs d'or. C'est des gens qui... Regarde-moi l'autre. Tu fais du sang de vinaigre, toi. Tu fais du sang de vinaigre, man. Attends. Relax. Respire par le nez. Bon. Il s'en vient, il me l'a dit, dans moins d'une minute. C'est pas un menteur. C'est rénal. Bon. Une minute. Mais en plus, tu en parlant, on est peut-être rendu à 35 secondes. Bon. Je sais pas s'il y a un cellulaire, il nous parlait de chez lui, ouais. On sait pas. Donc, okay, on va l'attendre. Il reste 20 secondes. Ben, je suis sûr qu'il va rentrer comme « Je suis là! » Tu vas voir, c'est comme du théâtre. « Je suis là! Hey, » T'es-tu prêt, là? Ouais, il va arriver avec une dose, là. Prépare-toi, là. Hey, mets de la place sur la table. Enlève les mixeurs, les haut-parleurs. Enlève tout ça, là. Il va dire « Ouais, c'est moi! Hein, » Hein, ça fait déjà 10 secondes qu'il devrait être là. Mais 10 secondes, là, il peut peut-être monter des marches, là. Y a-tu des marches à monter ici? Y a pas de marches à monter. Bon, c'est bon, ça, là. Il est pas au rendez-vous, là. Hey, Rénal! Oui! Hey, t'es pas parti? Oui! Bon, t'es où? Oh! Où es-tu? Parce que t'es où, ça dit rien. T'es où? Tu es encore chez toi? Oui! Tu n'es pas parti? Oui! Tu es en partouze? Oui! Oh! OK. Hey, Rénal. Oui? Reste chez toi, OK? On va aller te rejoindre, nous, après l'émission. Mais on veut avoir de l'information, ça va? Oui? OK. Non, mais il y a de la fuite dans les idées, hein? Sens-tu l'air? Ça sent l'air que c'est de l'air. Oui? Hey, on te parle pas, toi, là. On parle en studio entre nous, OK? C'est de la complicité, nous autres, là. On est ici depuis combien d'années, là, cette émission-là? Ça fait 25 ans, 50 ans, 250 ans que ça existe, bon. On a une petite complicité, on est en train de pourrir en direct à chaque émission, là. Ça pourrit, ça sent-tu la pourriture? Oui! Bon, t'aimes-tu notre émission jusqu'à maintenant? Oui! Ah, t'as eu du plaisir? Oui! Tu rigoles? Oui? Tu rigoles? Oui! Mais là, tu sais, le public, là, veut savoir davantage de choses sur toi. Es-tu premièrement un imbécile? Oui! Bon. Pour ceux qui aiment ça, c'est un imbécile. Les gens qui aiment pas ça, là, c'est des intellectuels rongés par la splins. Non, c'est la split. Ah, la split. Être ou ne pas être. Couper ou ne pas la couper. Quoi? Ben, la banane à split. La banane. Oh, ben là, est-ce qu'il faut la couper? Mais combien de cerises dans la banane à split? Là, on n'a pas commencé. C'est vrai, l'atelier. Hey, l'improvisation. Ben, on est dans quoi, là? On est dans split. Hey, Rénal, on va te laisser. Oui. Alors, on va aller te rejoindre, OK? Tu nous en réserves 12? Oui! OK, bravo. Ouais, t'es vraiment un imbécile, hein? Oui! Bon, OK. Alors, cet atelier, c'est... Pardon? Oui. OK. On s'excuse. Bon. Oh. Ça, c'est l'équipe. C'est Mme Thibodeau là, qui fait des grands signes. C'est l'émission. Ben oui, c'est ça. On coupe pas, on continue, non? On n'a jamais coupé. On sait pas comment couper. On n'est pas des couturiers, là, ici, là. On est des radios capoteurs, capotises, capotoses, capotés, capoteaux, capéqués, capotés. Ceinture noire de radio. On fait de la ceinture noire radiophonique. Ça n'a jamais vu ça. Personne n'a vu ça dans leur vie. Premièrement, non, lâche-moi le premier. On va me couper la langue. Est-ce que je peux. T'as-tu la scie? Si tu la coupes, ben, ça va faire mal, là. OK. Alors, nous sommes troisième Dan. Noir, troisième noir, Dan. Dan 3. Trois, première Dan. Deux Dan. Une groupe Dan. Une Dan, deux. Karaté. OK. Ça, c'est la prise. Pour faire, avant de couper, il faut le cri. T'es même pas obligé de couper. Tu fais bon, comme ça. Un peu comme si t'étais constipé. Tu fais. Alors, ici, c'est troisième Dan, radiodiffusion, errance rénaldienne, troisième animateur, ceinture noire. Hein? Un kato, écarte-moi le kato, toi, là. Eh hey, ben, j'ai la banane à split. Ouais, ben, hey, c'est ça, écarte le kato dans la split. Oh, mon Dieu, la crème fouettée. Eh, monsieur. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons. Des habillerons poursuivront, ça fait peur, hein? C'est un karatéman, radiophonique, troisième dame, deuxième doigt, pas nom. Évelon. Et lèveront. 12! Ouais! Bon, 12! Poursuivons et lèveront à bras de mots sur lui-ci pour en observer, on comprend plus rien, hein? On peut-tu se reposer? Il est quelle heure? Josère de Boise. Peux-tu déborder? Monsieur, ça dérape. Ça dérape toujours, Isabelle. Es-tu encore en amour? On dérape toujours. La moindre couture, j'allais dire la moisissure. Ça ressemblait à moisissure, hein? M-O-I, là, c'est comme moi. Toi, moi. Y a pas un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça, tout de travers, il faut faire les premiers pas pour s'aimer à l'envers. Toi, mon toit. T'es-tu son toit, toi? OK, bon. Alors, le moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'éclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde vue le mot ou le verbe canadien. Canadien. Quelle horreur. Canadien. 1er juillet, Canadien, fête des Canadiens. Je connais pas aucun Canadien, à part deux Canadiens. Un qui est dans le populaire et l'autre qui est dans la littérature, la poésie, la grande franchise intellectuelle. Donc, celui qui est plus commun, là, c'est j'ai de la misère à partir. Jean-Luc, peux-tu me... Bryan Adams et l'autre, là. L'autre que l'on aime tant et qu'on va couper ça là-dessus parce qu'on a déjà trop débordé. Puis ça déborde toujours. C'est Leonard Cohen. Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Thank you.

il en écrit, tu verras, en recherchant son nom de Corti, tu vas... Non, mais j'ai les disques de Jean-Grey, je regarderai... Il en a signé plus que Marcel. Et on ne retient que Marcel. Mais Corti est très branché comme Marcel. Hein. Mais le mari de Gréco a pas écrit de la musique aussi. Le mari de Gréco, c'est... Il a créé beaucoup de musique pour Brel, bien sûr. Oui, oui, non, mais le pianiste, là. Oui, oui, oui. Oh, oui. Johannes. Johannes. Johannes. Mais je connais. Oui. Et puis, c'est un peu l'émotion. Oui, oui, le mari de Gréco a écrit avec oui, Johannes. Okay. Il a suivi pendant toute sa carrière. Oui, oui. Mais toi, elle a beaucoup aimé les accordéonistes aussi. Elle avait un grand avec lui là, ces dernières années. Ça, c'est une... Elle aussi. Qu'est-ce qu'elle sait s'entourer d'auteurs. Des grands musiciens. Oh, oui, mais elle pige aussi dans les répertoires. Dans les groupes. Pas bête, elle a toujours choisi. Thank you. L'errance ménadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. C'est qui ça? C'est Jean-Pierre Ferland. Ben voyons donc, oui! Eh ben, je te le dis, moi, là. Jean-Pierre Ferland? Non, non, c'est Florent Pagny. Ah non, Maxime Le Forestier. Non, c'est Renaud! À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les Rolling Stones qui s'en vont. Il faut être plus Rolling. Merci. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer... Pardon? Allons planer vers... Pouvez-vous couper? Hey, qu'est-ce qui se passe là? Allons, enfants de... on est à... Qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Luc? Est-ce que c'est normal? Oh! Voyons! Êtes-vous en communication? Oui! Êtes-vous en communication? Oui! OK, on y va! Alors donc, allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Le fil Ariane, peux-tu couper le son? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On est en réunion avec... Oh mon... C'est sympathie, le diable est avec nous. Vous êtes bénis entre toutes les sonorités. Et les Rolling Stones, le fruit de nos entrailles est béni. Sainte Magouille, Messe Noire, priez pour nous. Les Rolling Stones. OK, alors donc, le fil Ariane, ils vont couper, hein? C'est ça, c'est on est en fin de liaison. Et pas du tout. est-ce qu'on peut dire que la fête est prise dans cette errance rénaldienne? On peut pas couper, on peut pas faire rien, il n'y a rien à faire. Il faut prier le démon. Oh mon Dieu Seigneur, comment on fait pour... je sais que pour se joindre en haut, c'est très simple, mais pour enflammer toute une population, c'est quoi? C'est les Rolling Stones? Oh mon Dieu! Que de Rolling dans des Stones, que de Stones dans des Rolling. Tu roules vers la Stone. OK. Chauffe la scène, chauffe! C'est l'anarchie. C'est beau, plus c'est laid. Plus c'est laid, plus c'est beau. La laideur a quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. La laideur a quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Elle dure, hein? Oui! Hey, OK. On s'arrête. C'est la fin de l'émission. Coupé. Hey, comment on fait pour arrêter ces gars-là? Là? Il faut les laisser se dandiner. Se dandiner jusqu'au maximum. Hey. C'est ça le rock and roll. C'est ça le rock and roll. Oh, alors laissons le rock and roll s'agiter. On doit couper, on va faire arrêtons. Mais oui, oui, je te dis. Oui. On va déborder. Puis les gens aiment pas qu'on déborde. C'était pour l'errance rénaldienne de ce 1er juillet. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. On déborde. Je m'excuse à CKRL. Je m'excuse à M. Marcoux. Je suis un pêcheur, un vilain pêcheur. Fouettez-moi! Hey, Rénal, fouette-moi! Oui! OK, on y va. Oh! Siete, non siete padroni della terra. Oh! Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura, e sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Da quella stella per tutto l'universo l'uomo si spazia per superare se stesso. Ça y est, faut pas se plaindre. Je sais pas bien, je sais pas bien parce que je me suis jamais posé la question. Dovete costruire la vostra torre, la torre di Babele, costi quel che costi, anche guerra dopo guerra. Siete o non siete padroni della terra? Mostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale. Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre. La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale. Attends, quand tu tapes Aragon, viens, Boris Vian. Boris Vian, attends, j'ai celui qui a écrit tous les grands succès de Julien Clerc, Étienne Rodagile. Ah, Rodagile, oui, oui. Je veux dire, quand tu as déjà tout ça à la base, c'est que déjà, tu es un peu sérieuse, quoi, tu sais où les choisir. Et aujourd'hui, elle va chercher des jeunes, des rappeurs, c'est formidable. Oh, oh, oh. Elle s'est vraiment actualisée, puis elle n'a pas peur d'aller de la Elle chante moins, elle minote moins qu'elle faisait autrefois. Elle parle de plus en plus qu'elle ne chante, mais c'est pas grave. Mais c'est le jeu, c'est exceptionnel, exceptionnel. Mais toi, à prime abord, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Le fait que je ne puisse pas en jouer. Je suis comme tous les animateurs de radio et de télévision, ou les blogueurs. Oui, c'est toi. Qui bloque sur la musique, je suis un frustré. Okay. La belle au bois dormant a fermé les écoutilles. Elle hiberne, oh, elle hiberne. La réveillez pas, laissez-la, la réveillez pas. Pas avant 2043. D'ici là, jailliront des cascades. D'ici là, vogueront les obscurs. Oh, d'ici là, glisseront les combats. Là, j'aurai découvert lequel de mes plusieurs sera à même de la sauver. D'ici là, je l'ai, d'ici là, j'attendrai. Oh, la réveillez pas. Oh, laissez-la. Ses congénères l'ont refroidi. Ses congénères cryogénés. Dans le doute, il se ventre et invente la valériane. La réveillez pas, oh, laissez-la. La réveillez pas, pas avant 2043. D'ici là, j'aurai découvert lequel de mes autres oubliés aura l'aplomb de l'aimer. D'ici là, je ferai flèche de tout bois. D'ici là, je serai consumé. D'ici là, j'aurai balayé les cendres et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas prêt. J'ai les pièces détachées. Quant à l'horloge, important message. Chicks on Speed have all the answers. Are you think? Are you real? Are you think? Are you real? Are you? Don't you write that song? Are you for real? Are you? Is it you? Mixed feelings toward you. Real. They say you try so hard to be a rock star is just so... You wouldn't believe it. The instant feedback from the audience is nothing like it. Having sex with groupies, the after parties, meeting all these great musicians from around the world. Are you fake? And puke on stage. Did you write that song? Are you real? Are you fake rock stars? Are you fake? Did you write that song? Are you real? Are you fake rock stars? Are you fake? Did you write that song? Are you real? Are you fake? Are you cutting that edge? Are you? Did you say what you said? Are you? Did you drop that name? Are you? Did you make these clothes? Are you? Did you copy that bag? Are you? Did you take that photo? Are you? Did you sing that song? Are you? Are you original? There's nothing wrong with that, there is there. There's nothing wrong with that now, is there? C'était trop long, le solfège, c'était pas bien. Je suis pas assez mathématicien, pas assez matheux pour ça. Mais as-tu essayé de chanter? J'ai essayé la fanfare. Ah, la fanfare, j'ai ok. On va se noyer dans la poule. J'ai fait deux jours de cymbales, et j'ai arrêté parce que l'entraînement tombait le jeudi soir. Okay. Et le jeudi soir, à cette époque-là, dans les années 76-17, il y avait un feu de ton. 67? 76. Ok, 76. J'ai 48 ans. Ah oui, c'est ça. Ben moi, j'en ai 42, donc je peux dire. Salut, vieux. Salut, mon ami. On passe. Il y avait Daktari qui passait chez nous. Je sais pas si. Ok, non. Ça se passait en Afrique. Daktari. Il y avait un lion qui s'appelait Clarence et un chien et un chimpanzé qui s'appelait Judith. Bref. Et donc, je voulais faire vétérinaire à l'époque. Et donc, docteur Daktari, c'était pour moi. Donc, j'ai laissé ma brillante carrière de futur musicien pour aller vivre celle du docteur Daktari que je n'ai jamais été. Ok. Mais par contre, je voulais faire de la scène, ça m'a amené. Bon. Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche. Pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle a coupé, la gorge irritée. Jamais pour m'amener sans broncher.